Mon ne revient pas le soir. Et le lendemain, un voyageur ramène la voiture qu'il a trouvée égarée dans la lande. Le quatrième jour, on frappe au carreau. C'est Mon qui rentre. Notre chambre était une grande mansarde. C'est là que nous nous retrouvâmes, Augustin et moi, le soir de ce même jour d'hiver.